dans vos oreilles. 89.1. Assemblage Ruki est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Yes. D'aujourd'hui, assemblage requis. On reçoit des candidats à l'élection de l'AGA-UQTR. Et Stéphanie Gagné sera avec nous pour ses chroniques Take Me Out et ton plat favori. Assemblage requis, qu'est-ce que ça commence quand? Tantôt. Ben. Notre première étape, c'est chacun trouver notre phrase à dire. Et deuxième étape, qui l'a dit en premier? La dire dans l'ordre. Bienvenue à Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. On est le lundi 14 mars et moi, c'est Mathieu Plante. Moi, François Olivier. Et on t'en dirait des studios de Sifo à Trois-Rivières. Tout à fait. Évidemment, juste à côté de la chasse-galerie derrière nous. Tout à fait. Et devant le vestiaire. Et devant le vestiaire. Et à droite, chose pour les fumeurs à 9 mètres, parce que sinon, avant ça, c'est comme la fumée ne peut pas pénétrer ce mur. Oui, et on peut avoir une contravention. C'est ça, tout à fait. Aujourd'hui, à l'émission, on a, comme toujours, Stéphanie Gagné, qui va être avec nous pour deux chroniques. Sa chronique de sortie spectacle Take Me Out et aussi ses suggestions de la semaine en termes de musique, cinéma, n'importe quoi. C'est ton plat favori. Exactement, et on reçoit aussi des candidats à l'élection de l'AGE-UQTR. Un peu plus tard dans l'émission, mais ça va venir très rapproché. Oui, tout à fait. On a deux groupes à vous présenter tout à l'heure de candidats. Mais pour l'instant, on commence en musique avec Karim Ouellette. Voici Météor. Ah! Gary Moilette et la pièce Météor sur l'album Plume à Assemblage requis au 89.1 FM. On adore cette pièce. Oui, on adore Karim. Hey, Mathieu? Oui. Mathieu Plante? Oui, tu veux me dire quelque chose? Oui, susurre-moi. Susurre-moi à l'oreille, dit-il. Non, on reçoit présentement Aboubakar Thiam, qui se présente comme étant un candidat au poste de vice-président aux finances et développement. Bonjour, Monsieur Thiam. Bonjour. Vous bonjour. Allez bien? Oui, bien, merci à vous. Oui, très bien, merci. C'est pas trop de bonheur ce matin? Oui. Ce n'est pour nous aussi, à tout. OK, bien, c'est correct. On compatit, oui. Vous vous présentez comme pour le poste de vice-président aux finances et développement. Est-ce que vous voulez, premièrement, nous expliquer un peu, en fait, c'est quoi le poste? Ça consiste en quoi? OK. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier de m'avoir invité ici. Le plaisir est pour nous. Merci beaucoup, donc c'est vraiment gentil. Et je dis aussi un grand bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Donc présentement, on s'en va aux élections dont la campagne a débuté aujourd'hui à 8h. Et je me présente au poste de VP, Finance et Développement de la GEQTR. C'est un poste stratégique en fait, dans la mesure où chaque étudiant est tenu de faire de cotiser pour le budget de l'université. Et par rapport à ces cotisations, il y a une partie qui est allouée à la GEQTR. Donc, le VP aux finances sera là pour gérer vraiment ces cotisations pour que les gens puissent retrouver l'argent qu'ils ont cotisé ou comment ça a été utilisé en fait. OK, c'est ça. Donc, c'est vous qui rendez les comptes aux étudiants pour dire, bon, ben votre argent... ça a été, exemple, dans des parties, ça a été dans des événements, dans des... je ne sais pas, dans des bourses aussi, j'imagine que... Tout à fait. En fait, il y a la chasse-galerie aussi, il y a le 10-12. OK. Donc, ces cotisations qui ont été reçues seront réinjectées dans le circuit sous forme de financement. Et l'argent, c'est-à-dire le profit qui découle de ces investissements, va être réattribué aux étudiants sous forme de bourse ou aide. OK, donc, merveilleux. Ouais. Est-ce que vous voulez d'ailleurs nous présenter en fait votre implication, vos expériences? OK, justement, en dehors de l'expérience acquise au pays, je suis ici depuis 2 ans maintenant à l'UQTR en sciences comptables. OK. OK, je suis présentement le vice-président interne du comité CGA. OK. Je suis le vice-président externe de l'ASTR, c'est-à-dire l'Association des étudiants sénégalais à Trois-Rivières. OK. Je suis présentement aussi membre du comité négociateur pour la contre la hausse des frais de scolarité. Donc, on a des rapports avec le recteur, avec l'administration équitérienne. Et j'étais aussi le porte-parole sur contre la hausse des frais de scolarité en 2010. OK. Donc, voilà un peu ce que... Et je continue toujours aussi à siéger auprès du poste VP sociopolitique pour l'aider dans sa mission et dans ses idées. OK, merveilleux. Donc, c'est ça, vous soumettez votre candidature. Et puis, comme vous l'avez dit, en fait, les candidats, ça commence ce matin. Qu'est-ce que vous avez prévu, en fait, cette semaine, peut-être pour que les étudiants vous connaissent, vous présenter aux étudiants à vous... C'est sûr qu'il va y avoir le débat, là, mais... Justement, parce qu'il y a tout un plan d'action qui a été élaboré. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, à l'UQTR, quand les étudiants seront à 8 heures là, ils verront vraiment des affiches. Donc, on a eu à présenter des affiches dans lesquelles on a décliné les grandes lignes de notre programme. Okay. Il y aura aussi des débats, entre autres, comme aujourd'hui, l'entrevue qu'on a eue avec la radio C'est Fou. Donc, pour essayer un peu de décliner notre programme, on va aussi rencontrer les gens. Il y aura des flyers où on va un peu détailler encore de notre ligne de mire, en fait. Au-delà de ça, il y aura des rencontres, il y aura des débats. Donc, c'est sûr que, comme on dit, l'électorat est un tributaire d'un bon programme. Donc, nous allons vraiment mettre en place un bon programme et les étudiants voteront en fonction du programme établi. OK, merveilleux, merci. Merci. Merci à Babacar. Est-ce que les étudiants peuvent vous rejoindre? Si des fois, il y a des questions, est-ce que vous êtes disponible? Tout à fait, oui. Je suis parfaitement disponible. Ça me dérange pas aussi de donner mes coordonnées si quelqu'un veut m'appeler, par exemple. Vous pouvez me contacter au 819-701-5948. Je suis vraiment à l'écoute. J'ai besoin de vos conseils, j'ai besoin de vous. Comme j'ai dit, mon slogan, c'est le G fait toute la différence. Donc, par ce G, vous allez entendre qu'on va travailler en équipe, on est là de façon générale. Je ne vais pas dans des principes individualistes ou autres. Donc le G, c'est le général. Okay. Quand je suis là avec les étudiants, c'est le général. Je travaille avec tout le monde. J'ai besoin de conseils de tout le monde et des suggestions de tout le monde. Je suis ouvert aux critiques aussi. Quand je serai à l'AG, je travaille avec une équipe. Donc c'est pourquoi j'ai choisi comme slogan le G, au-delà d'être gestionnaire et le changement aussi. Merveilleux. Super. Merveilleux, merveilleux. Merci beaucoup. Mathieu, avais-tu des questions? Oui, non, je viens de te présenter. En fait, juste donc Ababacar Thiam, candidat au poste de vice-président aux finances et développement. Et on va recevoir la personne que tu affrontes mercredi, Ariane Cossette, à 7h. Maintenant, on passe à Anne-Julie Durocher. Merci encore. Merci à vous. Oui, merci. Je vous remercie beaucoup. Anne-Julie Durocher, candidate au poste de vice-présidente aux affaires socio-culturelles. Bonjour à toi. Bonjour. Tu vas bien? Oui, vous-même? Oui, bien merci beaucoup, oui. Donc, est-ce que vous voulez nous présenter, en fait, le poste de vice-présidente aux affaires socio-culturelles? Ben oui, donc moi, je me présente à ce poste-là. Comme le nom le dit, c'est la personne qui s'occupe de la création des événements sociaux autant que culturels. Donc, je vise d'avoir des événements qui vont rejoindre tous les étudiants et qui vont favoriser l'épanouissement de la vie étudiante sur le campus. Donc ça peut être en fait, c'est ça, des parties? Oui, c'est des événements de tout genre, soirées artistiques, parties, ça peut être des... j'ai comme projet d'instaurer peut-être des midi-films qui vont permettre aux étudiants, dans le fond, d'avoir un répertoire cinématographique de différents genres qui n'est pas nécessairement accessible pour tous, puis qui vont ouvrir à la culture soit des documentaires ou des films étrangers, là, entre autres des idées que j'ai comme ça, ou de faire des conférences, ou enfin vraiment d'amener des événements culturels sur le campus pour permettre aux étudiants d'avoir accès à cette richesse-là pour tous. Ah, OK, merveilleux. Et puis, donc, est-ce que vous voulez vous présenter par vos implications? Bien sûr. Donc, moi, je suis à l'Université de Trois-Rivières depuis déjà 3 ans au baccalauréat en éducation préscolaire et primaire. Je suis impliquée dans mon baccalauréat depuis 3 ans dans différents comités. Je siège sur le CA de la GEQTR depuis septembre. Donc, je suis à même de savoir quels dossiers qui sont traités à la GE, puis savoir où sont rendus les dossiers. Donc, je pense que c'est vraiment un point fort de ma candidature de siéger là depuis septembre. Oui, d'ailleurs, tu es sur le CA de la GEQTR, mais tu vas aussi être sur le CA de C'est fou. Oui. Dans le fond, c'est oui. Parce que faut dire que tu affrontes personne, c'est ça? Non, oui, c'est en plein ça. C'est seulement toi. La chaise. C'est ça. La chaise. La chaise. D'ailleurs, on l'a en studio en ce moment. Bonjour, chaise. Elle ne parle pas beaucoup ce matin, mais bon. Donc, merveilleux. Et puis, c'est ça, à vous... vous, un slogan, vous, des idées peut-être pour ce qui s'en vient? Mais ça, comme j'ai dit, moi, je veux vraiment amener des événements culturels et sociaux qui vont permettre l'épanouissement et le rayonnement de l'UQTR, qui vont favoriser, dans le fond, les rapprochements entre les étudiants. Puis, c'est pas mal ça. Je veux créer un sentiment d'appartenance à l'université. Je pense que... c'est une très belle université, puis c'est à travers les événements et la culture qu'on peut créer ce sentiment d'appartenance-là. Merveilleux. C'est ce qui manque, je pense, à l'UQTR, un sentiment d'appartenance. Oui. Pour les jeunes. Les gens viennent à leur cours, mais après ça, ils se volatilisent. Donc. Tout à fait. Donc, je pense que c'est vraiment sur ça que je veux mettre l'accent avec les événements que je vais créer l'année prochaine. Parfait. Merci, Mme Durocher. Et merci à vous de m'avoir reçu ce matin. Ça me fait plaisir. Anne-Julie Durocher, candidate au poste de vice-présidente aux affaires socio-culturelles. Voilà, on va recevoir un autre groupe de candidats tantôt, François-Olivier Marchand. Oui, exactement, à 7h30, aux alentours de 7h30, Monsieur Hugo Mayotte-Couture et Thierry Méraud, candidats au poste de président, oui, de la GEUQTR. Mais pour l'instant, on retourne en musique avec Armistice, ça c'est Cœur de Pirate et Jay de Bedouin Sound Clash. Voici Mission Bells. 89 FM, c'est fou, c'est la Radio Campus de Trois-Rivières. Somewhere Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées, Assemblage requis. Avec la pièce Flat Heart sur l'album Native Speaker. C'est sur le palmarès anglophone de C'est Fou en ce moment même. Et c'est très bon. Ah ben ça, ça joue à C'est Fou, hein? Dur de dire le contraire. Nous toujours Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées en compagnie de Mathieu Plante et de François-Olivier Marchand. Oui, on continue avec les candidats des élections à l'AGE-UQTR. Tout à fait, on reçoit en fait un candidat au poste de président, M. Hugo Mayotte-Couture. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir invité, d'ailleurs. Je vais commencer par là. En fait, je tiens à souligner que moi, je me présente avec une équipe. On est en équipe pour vous représenter. C'est la coalition étudiante. On est sept personnes très motivées et on veut travailler pour vous. Dans cette équipe, il y a comme vice-président aux affaires internes Ludovic Nadeau, comme vice-président aux affaires sociopolitiques Frédéric Déru, comme vice-présidente aux finances et développement, on a Ariane Cossette. Il y a Anne-Julie Durocher comme vice-présidente socioculturelle, Charles Plourde-Leblanc comme vice-président aux affaires académiques de premier cycle et Léonie Cinq-Mars comme vice-présidente aux affaires de deuxième cycle et moi-même, Hugo Maillot-Couture, comme président. C'est sûr que le poste de président, pour moi, c'est de faire premièrement la représentation de l'AGE-UQTR tant dans les instances de l'université qu'à l'externe, que dans le fond, c'est sûr... Au national et au... ben pas provincial, mais en fait, je voudrais dire au régional, parce qu'on sait qu'il y a des gens au niveau de la région qui veulent se... ben, dans le fond, chez qui on peut se faire entendre. Je pense que la présidence, c'est aussi de travailler en équipe et de faire que l'équipe travaille bien. Je pense que c'est très important. Oui, c'est ça, exactement. Une équipe qui est capable, de d'avancer dans les dossiers, ce truc-là. Là, en fait, c'est ça, vous nous avez parlé de... La coalition étudiante, c'est comme ça que ça s'appelle? Oui, c'est le nom qu'on a trouvé parce qu'en fait, ce qu'on regroupe, c'est des gens de différents programmes, de différents horizons. Donc, en ça, on est une coalition. C'est pas, on n'est pas tous des gens du même programme, on provient pas tous du même endroit, mais ce qui nous rassemble, c'est l'AGE. C'est là qu'on s'est connus, on est tous des gens qui siègent sur le CA de l'AGE-UQTR, tous des gens très impliqués sur le CA de l'AGE-UQTR dans plusieurs comités. Comme je devrais noter le comité de rédaction du plan de développement de l'AGE-UQTR, qui est un plan qui va donner, dans le fond, une forme au projet de l'AGE pour les trois prochaines années. Donc, je pense qu'on est des gens qui travaillent déjà très bien ensemble. Vous êtes habitué de travailler ensemble? Oui, c'est ça, on est habitué de travailler ensemble. On a déjà travaillé ensemble sur plusieurs dossiers, donc je pense que c'est un très bon atout pour nous. Parfait. Et avez-vous tous la même vision ou... C'est sûr qu'il y a toujours des divergences. On peut pas avoir toutes la même vision, mais ce qu'on est capable de faire, c'est de travailler ensemble pour arriver à une vision commune à la fin. Okay. Ça, c'est ce qui arrive. OK, merveilleux. Et puis, c'est ça, tu me parlais un peu de ton implication. Tu veux-tu élaborer, en fait, un peu plus? Oui, c'est ça. En ce moment, moi, je suis président de l'Association étudiante des étudiants en sciences biologiques et écologiques, le RECEB. Okay. Et ça fait 2 ans que je suis impliqué dans cette organisation-là. Je suis aussi administrateur sur le conseil d'administration de l'AGE-UQTR et je siège sur plusieurs comités, donc, dont le comité de développement. Et ensuite, je me suis aussi impliqué, c'est ça, d'autres comités de l'AGE comme l'évaluation des rapports d'officiers ainsi que... Je pense que j'en ai oublié un, mais c'est pas vraiment grave. Donc, okay. Et puis, comme président, on sait, en fait, le président, c'est comme le chef des chefs. Oui, hein? De la meute. De la meute. Et puis, c'est quoi, en fait, là, peut-être vos priorités, les dossiers sur lesquels vous voulez jouer, peut-être, si vous êtes élu? Mais je pense qu'un dossier qui a beaucoup d'importance pour moi, c'est le pavillon à la vie étudiante, qui est quelque chose qui manque cruellement aux étudiants en ce moment. Qu'on n'entend plus parler, soit dit en passant. Bien, on sait premièrement qu'il faut noter que les associations étudiantes ont été relocalisées dans le fond du pavillon Pierre Boucher, ce qui est assez sous-sol. Dommage. Dans la cave, moi, je dis plus. C'est ça. Ouais. Une cave qu'un sous-sol, le sol, c'est bien aménagé. Merci pour la précision. Mais en fait, oui, on n'en entend plus beaucoup parler, mais le dossier est en ce moment au gouvernement. Est bloqué pour certaines raisons parce qu'il évalue la possibilité de financement, dans le fond, au niveau de l'UQTR. Et il évalue aussi le nombre de mètres carrés qui est comme... En ce moment, l'université dépasse un petit peu le nombre de mètres carrés qui leur est alloué. Mais c'est quelque chose qui est appelé à se régler. Donc, une fois que ça va avoir passé à ce niveau-là, ça va être de travailler là-dessus. OK. Je savais même pas que l'université avait une superficie... Ils pouvaient pas, quoi, ils peuvent pas dépasser le nombre de mètres carrés? En fait, toutes les universités ont un certain nombre de mètres carrés qui ont le droit de construire au prorata de leurs étudiants à temps complet, donc le nombre de crédits qu'ils prennent. Et ça a été établi relativement récemment. Donc avant, l'UQTR avait pas de problème avec ça. Il y avait une autre méthode de calculer les mètres carrés, mais il était correct. Maintenant, ça a changé, donc on est en léger surplus, mais ça risque de se régler sous peu. OK, merveilleux. Et puis, je sais pas, en fait, à vous, y a-t-il d'autres aspects que vous voulez aborder? Oui, c'est sûr qu'il faut parler de la hausse des frais de scolarité des étudiants en général et des étudiants internationaux qui se voient obligés de payer un 10% supplémentaire. Mais c'est sûr, au niveau des étudiants en général, on sait que l'AGEQTR est positionné pour qu'il n'y ait aucun changement des frais de scolarité sans tenue d'états généraux de l'éducation. Dans le fond, sans consulter les gens sur l'éducation au grand complet. Parce que ce qui est important, c'est pas nécessairement juste le financement. On sait que les universités peuvent avoir d'autres problèmes et d'autres choses à régler. Il faut régler le tout ensemble et avec tous les acteurs du milieu. Donc, avant d'ouvrir les dossiers des frais de scolarité, en pensant à régler une question universelle. Puis, quand tu parles, en fait, de d'autres choses, à part le financement, c'est quoi, mettons, exemple? Bien, au niveau de comment fonctionne la recherche, au niveau de on sait qu'il y a un projet de loi en ce moment qui veut revoir la gestion des universités, la gouvernance des universités. Au complet, là. Bien, en ce moment, il y a un projet de loi qui travaille là-dessus pour faire rentrer plus de gens de l'extérieur sur le comité, le CA des universités, dans le fond. Oh? Donc, ça, c'est quelque chose qui est apporté sans non plus qu'il y ait de consultation, puis c'est pas nécessairement quelque chose de bien. Donc, des gens de la communauté, exemple? Ben, c'est des gens de l'extérieur, mais qui peuvent être des gens d'entreprise, qui peuvent être gens... Donc, à notre avis, ben en fait, à mon avis, ce que ça pourrait vouloir dire, c'est faire entrer des gens qui sont pas nécessairement dans le milieu, dans les universités, pour ajouter comme une vision plus entrepreneuriale. Donc, je pense qu'avant d'ouvrir des dossiers comme ça, et les frais de scolarité, on devrait vraiment consulter tout le monde dans le milieu. Ouais. Très bon point. Très bon point. Monsieur Hugo Mayotte Couture, candidat au président, au poste de président ici même à la GEQTR. Merci. Merci à vous. Mais c'est moi qui vous remercie encore une fois. Y avait-tu d'autres points que tu voulais aborder en finissant? Non, ça va très bien. Je pense qu'on a tout fait le tour. On rappelle d'ailleurs que tu es le chef de la coalition étudiante. Oui, donc, c'est en plein ça. Voilà. Oui, on se tient au courant. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Vous êtes toujours à Assemblage Requis. On aura l'occasion de parler à d'autres candidats demain à l'émission. Voilà, c'est à peu près ça. Demain. Ouais. Pas aujourd'hui. Demain. Hein? Oui. Hein? Oui. On continue jusqu'à 9h. Il nous reste 1h15 ensemble. Tout à l'heure, on a Stéphanie Gagné et ses deux chroniques Take Me Out et Ton Plat Favori. Mais pour l'instant, voici Chromeo et Night by Night. We'll be right back. François Olivier, Mathieu Plante, pièces détachées, assemblage requis. Je laisserai les marées basses me raccompagner jusqu'à chez moi. J'implorerai le temps qui passe de cesser de passer par là. La nuit est jeune à ce qu'on dit baliverne. La nuit est vieille et périssable. Elle est inflammable. Homa, ma maison qui brûle, je fume ma peau. Homa, ma maison qui brûle, je fume ma peau. Homa, homa. Chez elle, à me regarder mourir de honte. Il y a à boire et à fumer, mais il n'y a rien à croire. Une tumeur, médaille d'or, a dévoré mes espoirs olympiques. Je n'ose plus sortir dehors, j'ai peur de m'y perdre encore. Homa, ma maison qui brûle, je fume ma peau. Homa, ma maison qui brûle, je fume ma peau. Peter Peter et la pièce Oma, assemblage requis au 89.1 FM. Oui, Peter Peter. Pierre. François-Olivier Marchand et Mathieu Plante, toujours à Assemblage requis. On rappelle que tantôt, on a reçu des gens des élections de la GEQTR, des candidats finalement. On va en recevoir d'autres demain aussi. Alexandre Richer et Ludovic Nadeau, candidats au poste de vice-président aux affaires internes, seront avec nous vers les 7h15. Ensuite, Eladji Malik Diane et Émeric Garon. Faut que je me trompe dans ce nom-là. candidats au poste de vice-président aux communications. Et puis, ça, c'est à 7h30. Et finalement, en fin d'émission, à 8h30, Franck Passassi. Voilà. Et Léonie Saint-Mars, candidat au poste de vice-président aux affaires académiques de cycle supérieur. Il y en aura aussi mercredi et jeudi ici à Assemblage. Ça va être comme ça toute la semaine pour les élections de l'AGEQTR. Oui, bien sûr, bien sûr. Sinon, ben, vous êtes toujours à Assemblage requis, hein? Ce que j'ai dit comme 4 fois, je pense que oui. Non. 4 fois? Non. On va retourner en musique. Dernière fois pour cette heure-ci, avant de passer tout à l'heure à Stéphanie Gagné. Voici « M'en aller » de Mono Grenade. À quelle émission déjà? Assemblage? Non. Assemblage de devis? De devis? Mon grenade est m'en aller comme dans François va-t'en pas. Je te regarde là. Je m'en allais. C'est juste la fin de la première heure. Il y en a une deuxième tantôt. Oh! Incroyable surprise. Ah, marché, moi, là. Non. Pas la fin de la même. C'est après l'émission. Oh, OK. Oh non, attends, tu travailles ici. Ah, tu peux pas. dans la deuxième heure, on va voir Stéphanie Gagné avec ses deux chroniques hebdomadaires que tout le monde adore. C'est Take Me Out. Ça, c'est quoi, Take Me Out déjà? Attends un peu que je me souvienne. Take Me Out, elle nous parle des affaires qui se passent dehors. Dehors, oui, mais dans des spectacles. Dehors de l'UQTR. C'est ça, pas des... Ou même des fois à l'intérieur. Ça peut arriver à la chasse au 10-12. Oui. Elle va aussi nous faire son plat favori avec ses recommandations musicales, cinématographiques ou autres dans le domaine du divertissement ou de l'entertainment. Yes, sir, mon homme. Mais pour l'instant, on s'en va, puis on revient. Damn right, yeah. Damn right. Yeah. Yo. Yeah. Yeah, yo. Yo, yo, yeah, yeah. Yeah, yo, yeah, yeah. Le service aux étudiants de l'UQTR et la Banque nationale sont fiers de vous présenter Assemblage requis. C'est la deuxième heure d'Assemblage requis, votre émission matinale en pièces détachées. Il est 7h59, presque 8h. Presque 8h. Oui, en ce lundi 14 mars, moi c'est Mathieu Plante. Et moi François Louis. Tantôt, on n'a même pas parlé de comment aller voter. Hein? Non, c'est vrai. C'est vrai, bon. Ça commence là à 8h, vraiment. La campagne électorale commence là. Même si on a parlé avec des candidats avant 8h, ça comptait pas. Faut qu'ils reviennent, non, c'est pas vrai. Non, mais c'est sur le site de l'UQTR. Oui. Dans le portail ici. Tout à fait. Et puis, vous inscrivez, vous rentrez votre code. OK. Et puis, vous votez. Comme ça, là. Comme ça. Simple de même. Simple de même. Caroline, mais c'est bien trop facile. Et puis, c'est important de le faire. Oui, et puis, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Hein. Non, c'est ça, exactement. On n'a même pas besoin de se déplacer. Non. C'est formidable. C'est presque trop facile, je dirais. Mais bon, donc tantôt, je l'ai dit comme 15 fois dans l'émission jusqu'à maintenant, on va recevoir Stéphanie Gagné, elle s'en vient dans les prochaines minutes, mais pour l'instant, on a encore du temps pour aller entendre de la musique. Yeah! On n'a pas entendu beaucoup ce matin, à date. Non, pas tant, parce qu'on a beaucoup parlé, c'est normal. Oui, tout à fait. C'est normal. Donc, on va entendre yeah. The Rural Alberta Advantage avec la pièce Stamp. Et puis, c'est ça, après ça, on va revenir avec Stéphanie. Hein? Oui. Peut-être un petit info campus là-dedans aussi. Ouais. On va mixer ça, là. Peut-être bien. Voici maintenant votre capsule InfoCampus. Le service de psychologie de l'UQTR propose un atelier intitulé « Étudier, c'est plus que du par cœur ». Le cours s'adresse aux étudiants qui sont exténués de devoir tout apprendre sur le bout de leurs doigts pour réussir leurs examens. Ils pourront ainsi sélectionner les stratégies efficaces selon le type de connaissances à apprendre dans leur cours. Grâce à la diversification des techniques d'études, l'étudiant pourra augmenter l'efficacité de l'apprentissage. L'atelier aura lieu le mercredi 16 mars de 15h30 à 18h30 et est totalement gratuit. Les participants doivent s'inscrire au uqtr.ca/SAE, près d'Union Psycho. C'est le 17 mars qu'aura lieu UQTR en spectacle. Cet événement annuel qui propose aux spectateurs les meilleurs talents artistiques qu'on peut retrouver à l'intérieur des murs de l'université. Les gagnants de la finale régionale de l'Université du Québec à Trois-Rivières se dirigeront ensuite vers la finale nationale qui aura lieu cette année à l'Université Laval. La finale locale sera tenue au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières au Pavillon des Humanités. Les billets sont en vente au prix de 7 $ à la coop de l'université ou encore à 10 $ le soir de l'événement. Voici une excellente chance d'encourager les talents de l'UQTR. Le groupe de rock progressif Arcane sera en spectacle au Bistrot La Chasse-Galerie le soir de la Saint-Patrick, le 17 mars prochain. Le groupe de Trois-Rivières vous offrira un spectacle complet de sa musique francophone. La représentation débute à 20h30 et l'entrée est gratuite. C'était votre capsule InfoCampus. Merci, monsieur. Merci beaucoup, cher annonceur maison de C'est fou pour cette InfoCampus. Il a une belle voix. Oui, sexy. Il devrait faire de la radio, genre, tous les midis. Ouais, ça pourrait être une bonne suggestion, là. Tu pourrais lui suggérer, Mathieu. De 11h à 13h, j'aimerais en entendre plus souvent, cette voix-là. Du lundi au jeudi. Ah, de 11h à 13h, au dîner de con. Ouais, assez fou. Assez fou avec Danny Janvier. Oui! Hey, c'est Danny Janvier qui faisait la voix. Bon, tantôt, on a parlé des élections de l'AGE. On promet de vous lâcher tranquille avec ça pour le reste de la journée tout à l'heure. Là. En fait, on va vous un petit peu réachaler avec ça tout le reste de la semaine tout, pour aujourd'hui. On n'a pas parlé, en fait, des dates. C'est très important. Pour voter. Oui, donc la campagne électorale, vous le savez, ça commence là aujourd'hui à 8h et c'est du 14 au 24 mars. Un débat va avoir lieu entre les candidats, ça va être le 21 mars. Après ça, ça va être le vote, les 22, 23 et 24 mars. Les résultats vont être dévoilés le 25 mars, donc le lendemain. Ici même à la Chasse-Galerie. Oui, tout à fait. Et ensuite, les officiers vont entrer en poste le 1er mai 2011. Donc attendez avant d'aller voter, ça sert à rien d'y aller maintenant. Non. 22, 23 et 24 mars. Mais renseignez-vous, par exemple. Ben oui. C'est important. Soyez au courant des faits et gestes. Tout à fait. Voilà. Plus que quelques minutes avant Stéphanie Gagné, mais pour l'instant, on a encore du temps pour encore un petit peu de Danny Janvier. On n'a jamais assez de Danny Janvier. Non, Danny Janvier qui va être en spectacle ce samedi au Centre, au Centre culturel Pauline Julien. Oui, 19 mars, juste là, le samedi qui s'en vient là. Oui. Oui, on l'a reçu en entrevue la semaine passée. C'est ça. Et je me disais, ça me manque d'avoir plus de Danny Janvier dans l'émission. Tout à fait. Et donc, voici Moon Queen, l'extrait du palmarès de Bio Bazar au 89.1 FM. Thank you. Tokyo Police Club et la pièce nautique sur l'album Champ au 89.1 FM. Maintenant, accueillons Stéphanie Gagné. Voici sa chronique Take Me Out. Take me out! Hello, Stéphanie Gagné. Hello, Bon matin. Ça va, première affaire qu'elle fait, c'est qu'elle me passe son CD. Je lui dis, on a déjà joué cette pièce-là. Choisis bon, une autre. Il va falloir en choisir une autre au hasard. Voilà. Au hasard. Je vais m'en occuper. Ben oui, c'est ça. Parce que nous, on joue jamais des pièces de palmarès. Hein, non, t'sais? Mais c'est celle-là, je regarde tous mes autres groupes, puis il n'y en a aucun qui est à proximité dans les CD. Je t'en cherche une, je t'en trouve une. Mais parle-moi des spectacles qui s'en viennent cette semaine, Stéphanie, s'il te plaît. Les sorties. OK, oui, Mathieu. Donc, 14 mars, Yukon Blonde au Cercle et Karim Ouellet au Lion d'Or dans le cadre des Francouvertes. Ensuite de ça, le 17 mars, pour la Saint-Patrick, comme à toutes les années, il y a la classique du groupe Trop loin l'Irlande qui va être au Nord-Ouest. Ils sont là pas mal à toutes les années. C'est un super bon band pour fêter la Saint-Patrick avec. C'était mon ancien prof de français au cégep. Pour vrai? Ouais, Isabelle. Qui joue du violon, mais elle m'aimait pas. Ah, moi, il y a un gars dans le band, et c'est le chum de ma prof préférée d'université. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est fascinant, ça. Fascinant. On va continuer. Mathieu a pas l'air d'aimer ça. Ensuite, le 18 mars, il y a Travis McCoy qui va être au National. Du côté de Trois-Rivières, Bernard Alamus qui va être à la salle Anis à l'heure Rousseau. Tire le Coyote et Chantal Archambault à la Maison de la Culture de Maisonneuve. Et il va aussi avoir les Feux de Forêt dans le désert au Zénob. Je ne sais pas encore. Est-ce que vous savez quel groupe qui va être là? Oui. Oui. The Peelies et Femme Accident. C'est ça. J'avais devant moi. Il n'est pas écrit sur Internet quel non? groupe qui joue. Non, il a juste écrit Feux de Forêt dans le désert. Oh. C'est bizarre. Enfin, bref. C'est original. Le 19 mars, Cold War Kids qui vont être au Théâtre Corona. Hooded Fang au Divan Orange. Aussi, bien sûr, Bio Bazar Bazar, dont vous avez parlé tout à l'heure. Centre culturel Pauline Julien. Et Lucky You qui va être au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Et j'en ai deux derniers. Dumas, le 19 et le 20 mars, au Théâtre Petit Champlain. Et le 20, Xavier Caféine qui va être à l'Escogriffe. Ouh! Est-ce que tu as trouvé quelque chose? Ouais, ben on va écouter la pièce La La La de Karim Ouellet. D'accord. Juste pour le plalalazir. C'est comme l'émission avec Chose Barrette. Hey, c'est mauvais cette émission-là. Chose puis chose, là. L'autre, là. La madame. Je ne me suis pas levé du bon pied, mais j'ai bien envie de te parler d'autre chose. Et comme on sait que tout a sa moitié, moi j'ai fait partie de ceux qui n'ont pas de chance. Ça me tanne et ça m'étonne de te voir, ne viens surtout pas me jaser de science. Moi je chéris presque tout ce qui se donne, car ce qui se vend ne me fait plus de sens. Pour prouver quelque chose. On me disait qu'il valait mieux de se taire. Et puis je trouvais que ce n'était pas drôle. Je ne suis que deux pieds de plus sur terre. On s'en fout. L'un de nous devait tenter de laisser faire. Et l'autre part. Et puis ce n'est plus ça du tout. Je te dirai salut revêtu de ma plus belle peau de salaud. On dit qu'ici c'est chaud mais jamais comme à Fallujah. J'en ai rien à foutre de toi, moi je parle. Deux pieds pris dans un empire vampire. Peu d'hommes pieux pris pour notre avenir qui empire. L'effet de souffle on laisse tomber, tant pis. Tous à la course contre un instant qui s'enfuit. Ah, quand même! Karim Ouellet! La la la! Bon. Ouais, ouais, bonne pièce! Pas pire, pas pire! T'as un bon doigté visuellement pour des chansons comme ça. Merci, François-Olivier, pour ce compliment qui veut pas dire grand-chose. donc, Stéphanie Gagné qui est avec nous. Ça, c'était sa collègue Take Me Out. Exactement. Ça fait le tour. Merci! Merci! Bien. T'es fine! Okay. C'est de même. Est-ce que t'as envie de faire l'autre tout de suite? Ben oui, pourquoi pas? Bon, mais ça te tente, moi. En tout cas, je trouve ça un petit peu inconfortable quand on fait ça de même, mais bon. Tu dis à toutes les semaines. Ben oui, mais c'est ça pareil. Je dis les vraies affaires, moi. Voyons, non? Hein? Ouais, c'est ton plat favori. Ah, Stéphanie Gagné, ton plat favori, qu'est-ce que c'est cette semaine? Ah, je t'en avais parlé un peu jeudi passé. Est-ce que t'en as écouté? Non. Bon, je me garde la surprise. Parce que

sur quelque chose qui nous apparaît très simple, mais qui en même temps mathématiquement est assez compliqué. Bon, oh, ouais, tout à fait. Le jeu de roche-papier-ciseaux. Voilà, merci à François-Olivier, merci à Stéphanie. Merci. C'était à Mathieu Blanc. Ton plat favori. À la semaine prochaine, lundi 8h10 environ. Yes! Pour l'instant, on retourne en publicité parce que après la pause, l'émission continue. Hein, on n'arrêtera pas là, à un moment donné. Non, hein. C'est comme une partie de roche-papier-ciseaux. Là. Tout gang quand tu écoutes Assemblage requis. C'est gagnant. Voilà. Ah, c'est fou la rougeuse. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. François Olivier, Mathieu Plante, Assemblage requis en pièces détachées. Il nous reste une vingtaine de minutes ensemble à FO et moi, Matt MP. Matt and Peace. M-Peace. Peace. Peace. Ah, wow. Ouais. J'essaie de trouver quelque chose avec FOM, foam, mousse, foam party. Foam party, c'est même au 10-12. Oui, c'est quand ça, le foam party? Ben, pas, non, ben, je sais pas, ça sent bien. Une fois de temps en temps, une fois par année, je pense. Ouais. Est-ce qu'on va entendre un nouvel extrait du palmarès anglophone de C'est fou? Oui. Oui, à la formation The Almost. Oui, très bonne formation qui nous a déjà pondu quelques hits. Ben, au moins deux qui ont vraiment fait fureur, le Monster et... Hands. Mais pour l'instant, voici leur nouvel extrait. C'est sur leur maxi Monster EP qui, étrangement, ne comporte pas la pièce Monster, mais qui s'appelle Monster EP. Je comprends pas trop le principe. Moi non plus. Voici Birmingham. Just jusqu'au bout du rail. Et le cœur de neige et les âmes de corail. Les Breastfeeders, c'est la pièce 400 000 sur le nouvel album Dans la gueule des jours. Tout nouveau, ça, comme tu disais, on n'a pas tant entendu parler. Non, pas tant que ça. Ça me surprend. Moins gros bang que leur précédent album. Ouais, tout à fait. Il me semblait qu'il était partout, dans le voir, partout, mais là, non. Peut-être plus tard. Ça passe inaperçu. Avant de parler de sport avec Nicolas Ducharme, qu'on accueille à l'instant juste pour l'intégrer dans la conversation, bonjour. Bonjour, bon matin. Savais-tu que c'est la journée du Pi aujourd'hui? Moi, je suis de Saint-Pi, ce Pi-là. Ah oui, non. Ou Pi, le chiffre. Les vaches. Ah, les vaches! Non, non, vaches. Le chiffre, en effet. Le chiffre, okay. Le 3.14. Ben exactement, 3 points. Et même, je peux aller plus loin que ça. 3.14, 15, 92, 65, 35, 89. Je pourrais continuer longtemps. Tu peux aller très loin, à vrai dire, ben, avec le pi. À vrai dire, on a calculé ça jusqu'à maintenant. À partir de... En fond, ça sera jusqu'à 1 trillion. Yes. De chiffres passés la virgule. Pi est un chiffre irrationnel et transcendantal, ce qui veut dire que ça va continuer jusqu'à l'infini sans se répéter. Le symbole pour Pi a été utilisé pour la première fois en 1706 par William Jones, mais après ça a été popularisé lorsqu'il a été adopté par le mathématicien suisse Leonhard Euler. Ouais, ouais. En 1737. Ben, L-O-L, comme disait ses chums. L-O-L. Ouais, L-O-L. D'où vient le LOL? Ouais, c'est ça. Non, du tout. sur pid.org, pidaiy.org, vous pouvez acheter plein d'articles promotionnels avec le chiffre. Chiffre pi, ben, le symbole de pi dessus. Tu t'es déjà remarqué que si tu prends un 4, tu sais, pas 4 ouvert, mais un 4 fermé, un i et un e, ben c'est 3.14, tu le revires de côté, ça fait pi. Wow. Pie. Wow. Ma tête vient d'exploser. Faites-le, les gens en automobile, prenez un papier, un crayon, écrivez-le à l'envers, vous le revirez, ça fait pi aussi. Bon. Là, vous vous demandez pourquoi est-ce que c'est la journée de pi aujourd'hui, pourquoi je parle de ça, c'est quoi l'affaire? Parce qu'on est le 14 mars. 3.14. En anglais, parce qu'évidemment, en français, on utilise... Le 14.3. C'est ça, ça n'a pas autant de sens. Là. D'ailleurs, justement, la journée de la Pi Approximation Day, d'accord, la journée de l'approximatisation, si on veut, ou des mots, des syllabes et par rapport comme ça, ça a lieu le 22 juillet, ou le 22-7, si on parle de jour suivi de mois, vu que la fraction 22-7e est une approximation commune pour Pi. Qu'on dit sur Wikipédia. On appelle ça d'ailleurs la European Pi Appreciation Day parce que les Européens mettent la date à l'envers, un peu comme nous au Québec. Donc, okay. C'est le 22 juillet qui est le 22-7e du chiffre pi. Ça va? C'est intéressant. Moi, les seuls chiffres que je fais affaire dans ma vie, c'est vraiment plus pour les statistiques de hockey. Sinon, j'ai coupé ça quand je suis rentré en communication ici, tout ce qui est mathématiques. Ben, est-ce que tu veux qu'on en parle de score? Ah, on peut parler de score. Pas de score, on parle de sport, je pense que c'est encore mieux. Ou de sicor. Blague interne, oui, de sicor. Oui, c'est une blague que personne ne peut comprendre. Personne sauf nous trois. Donc, voici Nicolas Ducharme, les conduits de partie, intro. Nounou! Un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. L'inconduit de partie. Nicolas Ducharme de l'inconduit de partie qui débute à 9h juste après nous est avec nous. En fait, deux fois le mot nous. Oui, oui, oui. Ben oui, c'est la journée de pi, je pourrais dire 3 fois et demi. On peut nouer jusqu'à la fin de la journée là, si on veut. Nounou! Nounou! Nounou! Donc, quoi neuf? Ce matin, là, c'est une émission quand même intéressante, je crois. Moyennement. Ouais, tu sais, écoute, ça sera pas notre meilleur. C'est ça. On va faire ce qu'on peut, ce qu'on a. Il y en a eu deux de bonnes de suite là, que j'ai lues sur Facebook. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu te lâches. Ça arrête. Je veux dire, c'est une vague, ces affaires-là. Là. Uh-huh. On va parler ce matin des Patriots Soccer. Donc, les filles ont perdu hier, les gars ont gagné. On est dans séries éliminatoires, donc ça se continue. On va parler d'Hockey Junior Majeur du Québec. La fin de saison approche à grands pas. Les séries s'en viennent. On va en parler avec notre chroniqueur, Jonathan Rodin. Roberge de l'Hebdo du Saint-Maurice. On va parler aussi hockey en Mauricie. On va parler surtout. C'était hier le Selection Sunday aux États-Unis. C'est quoi ça? C'est-à-dire que au basketball collégial américain, t'as environ, j'estime ça, 365 équipes. Il y en a 64 et demi qui vont faire le tournoi national. OK? Donc, pour choisir qui va aller au championnat national, il y a 32 conférences, on prend les champions. C'est les meilleurs? Non, pas nécessairement. Ouais. C'est ça la chose qui est spéciale. On va prendre les champions des 32 conférences. Il y a des conférences qui sont bien meilleures que d'autres. Par exemple, la conférence où joue l'Université du Vermont, tout ça, il y aura à peu près, assurément, jamais plus qu'une équipe de cette conférence-là qui va accéder au tableau principal pour le tournoi, c'est-à-dire le champion. Vermont, qui ont fini premier de la saison, sont éliminés parce qu'ils ont perdu à la demi-finale. Et ça va être l'université de, je pense que c'est Boston, l'université de Boston, qui va se rendre au championnat national. Par contre, dans d'autres conférences, des plus grosses conférences, il va y avoir 3-4 équipes qui vont s'y rendre à cause des forces qui sont différentes. Donc, si on se dit qu'on a enlevé 32 champions, les 32 champions ont automatiquement accès au tableau principal, faut qu'un comité décide des 32 autres équipes qui vont y accéder. Et à vrai dire, ça va être 33 autres équipes parce qu'il y a un match d'introduction. C'est-à-dire la 64e et la 65e équipe vont s'affronter, le gagnant. Donc, il va participer. Va participer au tournoi. C'est un genre de Fort Boyard, si on veut. OK. Guiriché et tout. Guiriché. Ça, c'est la première saison, vrai, je sais. Guiriché, c'est vrai. Il y a eu tout le monde. Puis Marie-Soleil, tout gars. Puis il y en avait eu. On est old school ou on l'est pas. Ouais. Il va pas avec les nouveaux Fort Boyard que j'ai à TV5 là, maintenant. Là. Oui, c'est ça. Ouais. Ils sont rough, par exemple. Ouais. Là, genre, ils les mettent dans des cages, puis ils les écrasent. Puis, c'est super, le j'adore cette émission-là. C'est sur, comme sur plusieurs jours, en plus. Ouais. On est loin du traitement de faveur qu'on faisait à nos petites superstars ici. Voilà, là. Voilà. Yves Corbeil, puis. Oui. Yves Corbeil était là. Oh, Non, Yves Corbeil, il avait sauté à l'eau. Ben, il était tellement bel homme. Oui, ben, il est chic. Il est bel homme. Il est classe. Il paraît bien. Il y en a qui l'ont. Il y en a qui l'ont. Le 6 avec la petite barre en dessous. Alors, donc c'est ça. Donc, le gagnant dans ce cas-ci va affronter une des quatre équipes qui sont classées premiers selon sa région, parce qu'il divise ça en quatre poules, si on veut, de 8 équipes, de 16 équipes plutôt. Et c'est un tournoi qui va se disputer sur 4 semaines, 3 semaines, 3 semaines aux États-Unis. Et qu'à sa part, bon, c'est du jeudi au dimanche. Et là, ce qui est le fun, c'est que les matchs commencent tous à 15 minutes d'intervalle à peu près. Donc, à CBS, ça commence à midi. Ça se finit à minuit du soir. Il y a des matchs toute la journée avec quelques pauses pour les bulletins de nouvelles de CBS, des choses comme ça. Mais donc, par patch de 4, ça joue à travers les États-Unis, non pas juste dans un arena. Là, c'est vraiment là. Et ça se termine, si je me trompe pas, là, j'ai un blanc, là, mais je pense que c'est à Houston cette année. Donc, c'est probablement dans le stade de baseball à Houston. Ça joue tout le temps dans un arena, un amphithéâtre de football. Qui est capable d'accueillir beaucoup... Ouais, c'est ça, on remplit au max, là, donc, et ça donne un spectacle assez merveilleux, merci. C'est ça, ils appellent ça le March Madness. C'est le Selection. Ça, c'était le Sunday. Banana Split présenté par Dairy Queen, c'est ça? Ça Selection. Je l'ai pas vu. T'aurais pas tort, là. Non, mais j'ai tort, c'est une blague. Le Selection Sunday que t'as appelé tantôt. Ouais, Selection Sunday. Selection Sunday. Donc, le Selection Banana Split présenté par Dairy Queen. Comment? Je cherchais un jeu de mots avec Selection. J'avais vraiment pas établi le Sunday dans ta blague. Mais j'avoue pas... que j'ai pas de mérite avec cette sélection. Sélection mérite. Sélection mérite, non? Oh, oui, non? OK, peut-être que t'aurais pas choisi ça, monsieur le président, choix du président. Ces jeux de mots n'ont pas de nom, sans nom. On te donnera pas nos compliments. OK, il m'a eu, par exemple. Bon. Non, donc c'est ça. Donc, ça se termine dans 3 semaines. Mais ça, c'est au basketball. Ouais, basketball collégial qui est, à mon avis, un spectacle 1000 fois meilleur que l'NBA. Les gars, ils gagnent-tu de l'argent à jouer collégial? Non, techniquement, non. Non? Techniquement, non. Ah, il y a des pots de vin, par exemple, c'est ça? T'es fort. T'es droit dessus. Ça c'est en dessous. Ça dépend de l'école. L'Université de Vermont, t'auras pas... tu vas peut-être avoir une petite enveloppe de temps en temps, mais dans les grosses écoles, il y a beaucoup d'histoires de parents que tout d'un coup, son fils a signé à l'université, puis whoop, une nouvelle auto, whoop, une nouvelle maison, whoop. Arrive vite. Hein. Oh, finalement, on a les moyens tout d'un coup de déménager dans la ville où est-ce que mon fils va jouer. C'est... Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent se passer. Écoute, c'est des... Tu sais, il y a des écoles, il y a 13 000 personnes par match, 14 000 personnes par match au match de basket. Tu t'arranges pour avoir la meilleure équipe possible sur le terrain. Donc, à partir de là, donner un petit 100 000 une fois par année à la famille. Tu donnes à une grand-mère qui, la grand-mère, va acheter l'automobile à son... Ça existe beaucoup. Ça a déjà été bien pire que ça. Ça s'est calmé. Une époque, dans les années 80, là, ça roulait. Là, c'était... J'ai déjà vu un documentaire là-dessus. C'était au basket, par contre, à SMU. Puis il disait la cour d'école de l'université, c'est Southern Methodist University au Texas, était presque un concessionnaire Nissan. Ah ouais? Tu comprends? Tout le monde dans l'équipe avait des Nissan 350Z. Oh, c'est pas le dadon, hein? Pas une Sandra, là. La grosse machine. Le modèle. Donc, et dans ce temps-là, c'est tout le monde le faisait. Finalement, ils l'ont tellement fait à SMU qu'on a reçu ce qu'on appelle. Mais là, c'est au football, là, mais on a reçu la pénalité de mort. C'est-à-dire, on a suspendu les activités pendant un an. Ça, c'était en 84, si je ne me trompe pas. Ah, ouais? Oui. On a suspendu, on a fait sauter plus de bourse après ça. Plus rien, là. Oh, parce qu'aux États-Unis, c'est des scholarships. Donc, tu sais, oui, tu vas venir jouer avec nous autres, puis on paye tes études, tout ça. Donc, si un an, tu joues pas, puis tu laisses le droit à tout le monde de transférer en plus, puis l'année d'après, tu donnes pas de scholarship. L'année d'après, t'en donnes le quart de ce que t'es exposé. Et SMU, qui était un des très bons programmes aux États-Unis, est même pas encore relevé de ça. Et à ce que je sache, on est en 2011, puis ça, c'était dans les années 80. Donc, il n'y a pas une école qui a goûté depuis ce temps-là comme SMU y a goûté cette fois-là. J'espère qu'ils ont savouré leur banana split. Ils n'ont plus les moyens après. Ils n'ont plus les moyens, là. Ils n'ont même pas les moyens pour les peanuts. Mais pendant qu'ils l'avaient, j'espère qu'il était bon. Ouais. Merci, Nicolas de Charme. Merci, Nick. Passe une très belle émission. Ah, merci. C'est de 9h à 11h. Le compte de partie les lundis et aussi les vendredis. On va faire notre possible. Les lundis parce que t'arrives de ta fin de semaine. Et les vendredis parce que t'en vas en fin de semaine. Hein? On l'a-tu, le slogan? Ah, hein? Yeah. Man. La pub, là, de la bombe. Oui. voilà, donc, bonne émission. François-Olivier? Mathieu Plante. On a le temps à peine pour aller entendre une petite pièce, très, très courte pièce de nos amis des New Pornographers. Que dis-tu d'aller entendre à l'instant même la pièce Silver Jenny Dollar, là? Yay! The New Pornographers et la pièce Silver Jelly Dollar à Assemblage Requis. C'est la fin de l'émission. On prend le temps de remercier nos super invités de la journée, entre autres notre amie Stéphanie Gagné. Tout à fait. On remercie les candidats des élections de l'AGE, Ababacar, Thiam et Anne-Julie Durocher. On a aussi eu Hugo Mayotte-Couture. Exactement. Ce dernier se présentait comme candidat au poste de président. Oui. Et puis demain, évidemment, on en reçoit beaucoup, beaucoup d'autres candidats à différents postes. Donc, on commence ça aux alentours de 7h15. Voilà. Aussi demain, on a Émilie Gauthier avec sa chronique plein air « Veux-tu sortir avec moi? » Oui. Oui. Et c'est à peu près ça. Sinon, pour les chroniques, il n'y aura pas grand-chose de très, très divertissant côté « C'est un fait », mettons. Hein. Ah non, Non, en fait, avec les élections, ça nous tient beaucoup occupés. Très occupés, mais c'est divertissant, ça aussi. Donc, soyez à l'écoute demain matin dès 7h. Passez une belle journée. Restez à l'écoute pour les conduits de parti, puis le dîner de con à 11h. Bye, François. Merci, Mathieu. Bye-bye. Merci d'avoir écouté, tout le monde. Bye. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.